sur Duo en compagnie de Bruno Prénat, qui est notre invité pour la journée. Et oui, journée carte blanche, c'est donc Ropu que l'on vous retrouve. Salutations à nouveau Bruno. À nouveau. Bienvenue encore et encore. Merci. Sur Duos, on est ensemble jusqu'à en fin d'après-midi, jusqu'environ 17h. Et puis là on poursuit donc en cet après-midi, là ça va être non-stop pour les trois étapes à suivre et à passer ensemble. On va se retrouver là pour une partie davantage interview, concentrée, plus ciblée finalement sur ton activité d'ingénieur son. On te retrouve en console à la fois, ou derrière la console, à la fois en studio, beaucoup. Et puis du live et de la scène aussi, beaucoup, et c'est encore même en perspective très largement, ça sera la principale activité à venir pour ce premier semestre 2016. Donc on va parler un petit peu de tout cela. Un acteur un petit peu de l'ombre, c'est un peu aussi le métier qui fait et qui veut ça. Oui. Mais tu officies en tant qu'ingé son depuis maintenant de longues années. On va revenir un petit peu sur ce parcours, et tu es là accompagné aussi pas mal finalement d'artistes locaux, découvertes ou non, que l'on diffuse aussi très largement sur cette antenne. Ça va être l'occasion d'aborder tout cela pour l'heure à suivre. Ça se poursuivra encore avec un petit mix concocté par tes soins, petite playlist spéciale mémère entre 16 et 17, et puis 16-17, petit live. Ça sera une petite surprise aussi avec quelques petites propositions inédites de quelques sessions live proposé. Voilà pour l'essentiel du contenu à suivre sur Duo en cette belle après-midi enneigée, quelque peu grise mais néanmoins lumineuse. C'est pour ce mardi 19 janvier. On va ouvrir en musique, comme le veut aussi principalement notre activité duophonique, le temps de charger tout cela. Mais on a de nombreuses choses à vous proposer, parce que il y a pas mal d'abord de projets réalisés, des projets en cours. Pour toi Bruno, je parle, ouais, bien sûr, côté studio, des albums à paraître. On a parlé justement de groupes locaux, c'est le cas pour un gros travail sur lequel tu es en cours avec les Barrios Populos par exemple. Mm-hmm. Album à paraître à l'automne prochain. Oui, on vient juste de finir les prises, du coup je vais attaquer les mix. Et puis un peu de scène d'ailleurs, même pour les Barrios, je sais pas si tu vas être sur le coup, mais ils sont sur un projet un peu particulier avec un peu des reprises. Chansons françaises. Chansons françaises. Ah non, celui-là je le fais pas. Tu le fais pas. Ouais, en fait j'ai attaqué de travailler avec eux pour le live il y a 3-4 ans, et puis en gros la mission c'était d'aider former Jonas, leur maintenant sondier. Donc du coup j'ai fait que les grosses dates pendant 3-4 ans. Du coup je me faisais les festivals et trucs comme ça, et puis maintenant transmission faite, ils veulent leurs propres ailes. Il sait bien faire son boulot, donc du coup sur ce chantier là c'est lui qui on en reparlera, on ouais. donnera les dates. Je crois qu'ils sont prévus justement dans la région, sur l'Andenne, Chambon-Feugerolles, début février il me semble, avec une ou deux dates, et puis d'autres projets en cours ou réalisés ou fraîchement réalisés. Yvan Marc par exemple, le dernier album sur lequel tu as travaillé, le Mickey 3D réalisé aussi mais en sortie au printemps prochain. Tarikata. Tarkeada, oui. On évoquait ça. Exactement. Puis ça m'a ramené aussi quelques années en arrière. Oui, là, c'est carrément groupe folklorique plutôt. Folklorique péruvien. Ouais. Ouais. C'est la petite touche de trad. Rigolo. Ouais. Et puis voilà, pas mal de projets. On va parler encore de studio sur un nouveau projet en place sur Saint-Etienne. Donc on va parler un peu de tout cela. Je crois que c'est calé du côté régie et technique. Ça y est, donc on va se mettre un peu de son dans les oreilles. Ça va être un peu la règle du jeu. On va alterner, bien sûr, un peu de blabla, un peu de tchatch, de discussion libre, tranquille. Et puis avant de remonter l'historique et de cuisiner Bruno, on va écouter une nouveauté puisque c'est Mickey 3D. Alors c'est pas encore l'exclusivité qu'on nous promet et qu'on a enfin entre les mains, c'est La Rose Blanche, qui est déjà un titre qui a été comme ça jeté en pâture des journalistes par Mickey lui-même. La Rose Blanche, je sais pas si tu peux en dire deux mots de ce titre-là en particulier. Par rapport au texte ou au morceau? Non, par rapport à l'enregistrement, à sa place dans le disque peut-être. Tout de suite, ça a été un morceau qui il m'a dit, oula, celui-là il est très important, faut pas le louper. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte de ne pas le louper. On y a passé beaucoup de temps et c'est vrai que tout de suite, oui, ça a été un des morceaux forts du futur disque. D'accord, à sortir donc en mars prochain. Je sais que le jour viendra où le vent se lèvera et nous serons des milliers. La nuit vous étranglera et sur vos corps allongés les roses viendront pousser. Vous vous souviendrez de moi au moment votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais. Aujourd'hui c'est moi qui tombe, je rejoins l'armée des ombres, mais demain je reviendrai. J'irai danser sur vos tombes, juste après la pluie qui tombe, l'air reviendra repousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié. Car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais, et le ciel a tout filmé. De Mickey 3D, petite avant-première avant la sortie de ce disque en mars. Je t'entendais, Bruno, là hors antenne, dire que tu as fait des mix et des mix, une vingtaine de mix différents pour convenir à la sortie de ce titre. Ça doit pas être si souvent finalement dans une carrière d'ingé son qu'on te propose de mixer quelque chose qui va passer à la fois sur des radios comme Dio, mais aussi sur de gros réseaux. Alors est-ce que ça conditionne ton travail de mix, ça, justement, au niveau du mastering par exemple, ou des choix que tu fais? Attends, je t'ouvre ton micro parce que moi, en termes d'ingé son, j'ai plus les yeux en face des trous aujourd'hui. Non, ça conditionne pas, non. C'est sûr que c'est juste que ça, de bosser avec un artiste comme Mickey, ça me donne le temps aussi de faire les choses. Mais c'est pas pour ça que je bosse avec moins d'intention sur les autres groupes. Mais je veux dire au niveau de la matière sonore. Non, enfin, c'est pas faut des que contraintes ça, quoi. Non, faut que ça sonne bien quoi qu'il arrive quoi. Mmh. Ouais, non. C'est vrai qu'il faut un peu changer le master pour les radios, mais c'est pas vital. Mmh. Changer le master pour les radios, justement, c'est quoi les données un petit peu techniques sans rentrer dans les choses un peu trop compliquées, mais... un peu moins de grave et ouais. Un peu moins compressé. D'accord. Parce que les radios, souvent, elles ont des déjà un compresseur, des compresseurs et des limiteurs qui vont faire que ça change le son. Mais à ce moment-là, chaque radio aussi a son limiteur, a sa façon de faire, donc c'est un peu dur de faire un étalon pour. Donc on est presque à un master par radio, quoi. Limite, ouais. Mais je sais pas comment font les gros d'ailleurs, mais c'est. Enfin, la règle, c'est quand même de mettre un peu moins de grave et d'un peu moins compressé. Donc là, c'était le master pour Dio qu'on a passé. Voilà. C'est-à-dire avec de la compresse à bloc. Parce que Dio, c'est nos limites. Donc nous, pas de limite et on va même passer la cassette tout à l'heure. Tu vas pleurer, mémère. Mémère, Docteur Bru, c'est un surnom, des surnoms qui t'accompagnent. Oui, Docteur Bru, pas beaucoup quand même. Pas beaucoup, non, mais non, un non. Peu. C'était une fois pour se marrer avec Apple Jelly, parce qu'ils avaient un disque de Docteur Dre. Donc ils m'avaient appelé Docteur Bru pour essayer que je fasse des choses un peu plus... qui sortent de l'ordinaire. Donc généralement, c'est plus Bruno, ouais. Ouais. On va évoquer tous ces groupes avec lesquels tu as travaillé, bien sûr. Alors Mickey, oui, c'est vrai que c'est un peu la tête de gondole. Ouais. Ouais, c'est peut-être, ouais. Ben oui, cet album sur lequel tu as travaillé à nouveau, sur lequel tu vas travailler encore, je parle du projet Mickey 3D, qui est de retour et qui part en tournée à partir de mars, on l'a évoqué aussi à midi, avec Guillaume, qui sera aussi de la partie, nouveau line-up, retour à la maison, en ce qui concerne les musiciens aussi qui vont accompagner Mickey sur ce projet. Et La Rose Blanche, et le titre, ouais, juste pour revenir sur ce single, finalement, hommage à un groupe de jeunes résistants allemands, Sophie Scholl et son frère Hans. Premier titre donné donc en écoute de cet album qui s'appellera, est-ce que toi tu le sais? On peut pas le dire. Je pense qu'il le sait. Non, parce que il y a eu beaucoup de... C'est encore en chantier. C'est encore en train de bouger. Voilà. Et avec un clip qui est pas mal d'ailleurs, hein, c'est Le Ballon Rouge, un beau film d'Almer Lamoris. J'ai retrouvé le nom de ce réalisateur, Albert Lamoris, un film qui date des années 50-56, qui avait été remasterisé aussi finalement pour un film ressorti, retravaillé, qui était sorti il y a quelques années de ça, un très très beau film où on retrouve d'ailleurs les frères Séchant, ils sont tout petits, tout gosses, avec leur petite veste à capuchon rouge, et ils se baladent, et c'est l'histoire d'un jeune garçon aussi dans le vieux Paris des années 50. C'est un très très beau film et ça reflète tout à fait d'ailleurs, je trouve, l'esprit de Mickey finalement, pour voilà, qui sert comme ça de clip pour ce single La Rose Blanche. La Maurice qui avait aussi sorti le film Crin Blanc, très très beau film noir et blanc. Et oui. Oh, ça me rappelle des vieux souvenirs. Ah, mais on va être peu dans les vieux souvenirs aujourd'hui. Bah, parce qu'on remonte sur quelques années, 10, 15, 20, 25. Du coup, je me permets, puisqu'on va commencer à lancer, parler de son historique, le début de son travail, tout ça. La jointure se fait à peu près par là. Si je me trompe pas. Hein. C'est là qu'on comprend que finalement Mickey 3D, ça vient beaucoup de The Cure finalement. Ah bah complet. Grande influence quand même. Donc ça, c'est Lionel qui nous a amené ça aujourd'hui. C'est la dernière démo de 3DK. Ouais. C'est... Alors en fait, je sais pas si tu parlais de jointure, mais bah, finalement, la fin d'aventure 3DK, si on revient sur Mickey, Mickey existait déjà depuis 95-96 avec des choses qu'il faisait déjà tout seul, solo. Oui. Avant de se retrouver en formule duo avec Jojo au batteur, Naja ensuite pour le trio, mais 3DK poursuivait aussi son aventure. Et Bruno arrive dans ces eaux-là à peu près, juste après en fait, je pense. Ouais, c'est ça, c'était début des années 2000, ouais. Voilà, 99-2000. Ouais. C'est un peu une semaine bizarre, hier on avait Angel aussi, et c'est vrai que bah, c'est aussi premier disque, et je crois que Flavien, tu as aussi joué justement dans cette jointure, un 3DK ou Mickey 3D, 3DK entre parenthèses sur. Oui. Le tribute au Little Rabbit sur premier disque. Exactement, Noche Domani, une belle reprise. Donc ouais, on est dans ces années-là. Toi, tu commences à travailler avec le projet Mickey, donc 99-2000 quoi finalement. C'est ça, en fait. Sur la tournée, en fait. T'es parti sur la tournée après Mystery Torture. Ouais, en fait, à partir du moment où du coup ils ont pu gonfler l'équipe, où Naja a pu venir, et il me semble que moi je suis venu au retour parce que Franck Damour, Bobby était encore à la façade, et donc moi j'ai attaqué au retour. J'ai fait longtemps en retour jusqu'à ce que après je prenne la façade. C'est et ça a été ça, ouais, pendant les début des années 2000, ouais. Après, c'est vrai qu'après c'est allé assez vite, on a vite enchaîné entre autres les premières parties avec Louise Attaque. Ouais. Donc ça a vraiment boosté tout le monde. Et avant ça, est-ce que tu avais c'est le genre de métier que tu as appris sur le tas, ou tu avais une espèce de formation déjà derrière toi, ou c'est le fait que les copains partaient en tournée, t'as commencé à prendre des manettes? Ouais, non, c'est qu'en fait moi j'étais au sein de la Cupon musicien, on avait des groupes de punk et tout le monde a joué avec tout le monde, et puis c'est vrai qu'il y en a qui sont restés musiciens, il y en a qui sont devenus techniciens, et donc du coup après de fil en aiguille tout le monde s'est un peu professionnalisé et on s'est retrouvé autour du projet entre autres Mickey 3D qui du coup devenait professionnel, donc on a pu se retrouver aussi par ce biais. Oui 99-2000 c'est pas ta rencontre avec Mickey 3D non. Parce qu'en fait effectivement toi t'étais déjà donc par ailleurs avant de te professionnaliser musicien plaisir l'assaut là-haut etc les copains ça joue ensemble, et en fait tu avais déjà des projets, notamment Bam Bam Bigelow, où tu jouais en tant que guitariste, et Mickey précisément était bassiste. Alors Mickey était bassiste parce qu'on a eu beaucoup de bassistes, et c'était un de nos bassistes intérimaires qui a joué un petit moment avec nous, donc en fait voilà, on se connaît depuis longtemps. Il y avait qui dans ce groupe, on te rappelle? Il y avait donc Bilou du studio, Greg Joannin qui fait beaucoup de régie, qui a bossé aussi beaucoup avec Mickey, donc aussi c'est la famille. Voilà, Nico le frangin était dans 3DK, bassiste, Jojo le petit frère et ça, donc on était les trois membres on va dire permanents. Il y a eu Greg Wazel qui a fait longtemps aussi avec nous, et puis Mickey a fait aussi la basse avec nous. C'est comme ça qu'on a s'est d'abord rencontré comme ça au sein de groupes musicaux. Et ça faisait un peu quoi, du concert? Il y a eu du disque? Concert, disque, ouais, on a fait des cassettes. On faisait des cassettes à l'époque. Des cassettes, bah oui. J'ai oublié, on était encore un peu. On faisait des cassettes, 3-4 cassettes, et puis des concerts dans les bars autour de Montbrison. Et tu nous as pas retrouvé ça? Et non, j'ai pas trouvé mes cassettes. Non, mais même moi, il a fallu que je bosse pour remettre la main là sur ce qu'a joué aussi Flavien. Là, retrouver quelques cassettes, notamment les trois premières aussi, même de Mickey à l'époque, Souffle court, L'amour. Et Mickey 3D. C'est vrai que c'est du boulot d'aller remettre les mains dans la poussière et dans les vieux bacs. C'est vrai que du coup, pour répondre à la question, pendant les week-ends, j'allais faire des sonos avec Greg, justement, au sein de l'Acropole du son, c'était la boîte de son de Montbrison. Et on allait faire les concerts de Rockno, entre autres. Et donc c'est par ce biais-là que moi que j'ai appris. Vraiment, donc c'est l'expérience. Sur le tas. Ah oui. Greg continue d'ailleurs le son. Ah oui, il en fait toujours, Il fait plus de régie, je pense, mais il fait encore du son, Donc Bam Bam Bigelow, et puis alors il y a un autre projet aussi, là, qui est peut-être un peu plus reconnu, un peu plus posé, parce qu'il s'est aussi un peu plus étalé dans le temps. Il y a 10 ans que sortaient d'ailleurs les véritables albums. Et là encore, histoire de famille, rencontres, copains, etc. Puisqu'on retrouve Jojo dans ce groupe-là. Oui. C'est Nos Pas de Jam. Oui. Là, c'était vraiment donc la bande de copains. Mais ça existe aussi depuis quand même. On parle des albums parce que ça date de 2005. Enfin, ils sont en date de 2005 les deux disponibles. Et en fait, le groupe existait depuis quoi? Déjà 95, non? 96? Non, plus tard. Nos Pas de Jam, non, plus tard, Plus tard. Non, ça a été début 2000, par là. Ah ouais. Et du coup, là, c'est vraiment la bande de copains où, du coup, dedans, on retrouve les gens de Mickey, on retrouve. Mais du coup, d'autres copains qui n'avaient rien à voir avec le monde. Le monde de professionnel, on va dire. Mais c'était une bande de copains. Du coup, on a fait deux disques. Et là, on retrouvait aussi Mickey. Ouais, aussi, ouais. Jojo. Chat. Ouais. Et c'est les Nos Pas de Jam qu'on écoute maintenant. Once again I'll open my mouth. I'm the only one to Donc tu étais déjà appelé Docteur Bru dans nos pajamas, puisque c'est comme ça que tu es crédité sur ce disque, figure-toi. Ouais, ouais, Bruno Prena, Docteur Bru à la GT, à la guitare, quoi. C'est tiré de Glamour, j'ai pas retrouvé la date exacte. 2005, en fait. C'est ce qu'on se disait, c'est 2005. Moi je pensais que les deux étaient ressortis, enfin étaient sortis en 2005. En fait, Terre Plate, qui était un maxi, dont on a aussi présenté, là, je crois que c'est hier ou les jours derniers, quelques titres, date en fait de début des années 2000. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et Glamour est sorti lui en 2005. Ou peut-être 2004, mais c'est vrai que je sais pas. 2004-2005. Je suis pas l'expert. Et d'ailleurs, via, on en parlait et on l'évoquait à midi, via Mumkin Music. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'était le coup de pouce du label de Mickey. Oui. Et c'est drôle que de cette scène-là soit sorti finalement donc No Pajam et puis 3DK avait un côté aussi assez brut, assez dur en fait musicalement. Et Mickey 3D qui lui faisait plutôt vivre ses chansons pop qu'il a toujours eu dans la tête quoi finalement, mais c'est sorti de la même du même magma quoi. Mais c'est vrai qu'on avait on a tous une culture très rock indé français à l'époque de Condens. Tout ça, la Tantrum, Drive Blind, toute cette époque alternative, nous on vient tous de là, donc c'est vrai qu'on a une grosse culture rock, mais aussi du coup il y a toute la palette chansons françaises que je pense que Mickey avait en lui et avait envie d'exprimer aussi, avec des choses du coup plus soft quoi. Tu dirais que tes goûts évoluent, je dis ça parce que à la lecture de ta playlist pour le mix de tout à l'heure, j'ai l'impression que maintenant tu écoutes beaucoup de ce qu'on pourrait appeler de la musique de producteur, c'est des choses qui sonnent très bien, assez dansantes et dont le travail de son est particulier et on sent que les gens y ont passé du temps. Est-ce que tes goûts ont évolué avec le métier justement? Non, enfin, c'est vrai que j'écoute pas pareil les disques qu'avant, mais ce que j'ai commencé à regretter souvent, c'est que, enfin, je trouve que souvent il y a beaucoup de prod et qu'il n'y a pas toujours beaucoup de chansons, il n'y a pas forcément toujours des vraies chansons pas derrière. De contenu, ouais. Et donc de gré mal gré, comme beaucoup de gens, j'écoute les prods qui sortent, mais c'est pas forcément mes disques de chevet. C'est vrai que là, j'ai pas forcément amené que des disques de chevet. Tu te documentes quoi? Bah voilà, je me documente pour mon boulot aussi. Et puis c'est vrai que c'est flatteur, quelque chose qui est bien produit, c'est flatteur, mais c'est vrai que ce qu'il en reste derrière, on en revient toujours. Enfin moi perso, je reviens toujours à mes sources. J'ai du mal un peu à en sortir. Est-ce que tu, pour revenir à l'aspect musicien, ta casquette, est-ce que tu continues à jouer? Non, là j'ai... No Pajam, c'est définitivement terminé. Là c'est en stand-by, ouais, on peut pas dire que c'est terminé, mais c'est en stand-by pour des raisons de temps, hein, tout simplement. Hein, mais ouais, parce qu'on se voit toujours, mais plus pour faire de l'Asie. Quoi. Pour manger, c'est souvent ça. Ouais. Et puis surtout, est-ce que tu as quelques participations parfois à nouveau, par exemple sur le dernier Mickey ou sur d'autres que tu viens de travailler, produire, parce qu'on t'a vu aussi sévir un peu aux guitares ou parfois même aux voix. Je pense à Matador, où tu étais sur quelques morceaux, accompagné à la gratte encore, enfin, intervenir. De temps en temps, je fais des petits trucs, C'est plus pour mettre mon grain de sel. Mais de temps en temps, soit vraiment j'aide quand il y a besoin, ou c'est... Parfois, ça va plus vite en studio quand on a une idée, te prendre la guitare et de le faire. Alors si je l'exécute mal parce que j'ai plus trop de pratique, le musicien prend la guitare et il le fera bien mieux que moi. Ou parfois je le joue, ça passe et on le garde. Et ça peut le faire aussi pour des chœurs. Mais c'est vraiment à touche. C'est quand j'ai un rôle du coup plus de réalisateur où il faut que j'aide les gens dans la partie vraiment musicale et arrangement. Du truc, ouais. Voilà. Pour certains, c'est vrai que le métier, on coupe un peu en deux souvent la façon de faire. Quand je fais que du mixage pur, où j'ai pas forcément à amener des choses artistiques, à ce moment-là, je me permets pas forcément ce genre de choses. Ça, c'est des choses que je mets en place en amont avec les groupes. C'est-à-dire qu'on détermine un peu ma place. S'ils veulent que je les aide, que je les aide pas, que je fasse juste bien sonner le truc, ou qu'ils ont besoin d'aide, d'arrangement ou de réalisation. Et tout ça, c'est vrai que c'est vachement important, il faut qu'on le détermine en amont, et puis après, une fois qu'on est d'accord, c'est plus facile d'avancer. Si tu es producteur ou ingénieur du son. C'est ça. Alors c'est bien, parce qu'on va du coup basculer aussi peut-être sur ce volet-là, on va laisser le côté musique, mais finalement je reviens sur Matador, parce que j'ai un peu le track listing et les featuring, donc tu intervenais par exemple à la guitare sur Compte pas sur moi, sur les mots, et puis il y a un titre, c'est pour faire la liaison, la transition, il y a un titre qui s'appelle Une nuit à la Terre plate, qui boucle l'album de Matador, et Terre plate, on a parlé de No Pajam et le maxi qui est sorti 2000. Et Terre plate, c'est aussi déjà un travail de studio qui était cours. Donc on va partir un petit peu aussi sur cet axe-là. Donc ton travail de studio, on va revenir à ton travail aussi ingé son, live, etc. côté studio, donc tu travailles où principalement, tes principales interventions premières, c'est Studio E, c'est Terre Plate, c'est Château, c'est comment ça, voilà, pour situer aussi un peu. Alors Terre Plate, c'était avec deux groupes, hein, c'était avec Mickey et No Pajam, c'était pour des raisons surtout financières qu'on est allé dans la maison de campagne pour aller enregistrer. Mais après, c'est vrai que moi, mon cœur de métier de studio, je l'ai fait à Studio E. Pendant et encore depuis maintenant, ça fait 12, 13, 14 ans par là, je compte plus, j'essaie de pas trop compter, mais c'est sûr que c'était très longtemps studio. Et puis de temps en temps, certains projets m'amènent à aller travailler ailleurs, donc j'ai pu avoir la chance, grâce beaucoup à Mickey, d'aller travailler dans d'autres studios, entre autres ICP ou les Forces Motrices à Genève avec David Weber. Voilà. Là récemment, je suis allé à Black Box Studio à Angers avec Barrio. Donc c'est vrai que ça, c'est suivant les opportunités. C'est vrai que c'est. Il y a un choix assez important. Saint-Etienne est dans les environs justement de lieux d'enregistrement, que ce soit Roots ou pas. D'ailleurs, il y a différentes catégories. Est-ce que le studio, c'est quand même le lieu où tu te sens le plus à la maison? Bah, oui, parce que c'est vrai que c'est, je pense dire sans me tromper, que j'ai beaucoup aussi aidé, participé au fait que ce studio se développe. C'est à 5 minutes de chez moi, Bilou, on se connaît, Gilles, on se connaît depuis le lycée. Donc Bilou qui est... Donc avec qui on avait fait notre groupe de punk, et puis maintenant qui gère le... Et qui joue dans 3DK. Qui joue dans 3DK et qui va partir aussi en tournée sur Mickey, au backline. Mine de rien, on se connaît depuis 20 ans. Voilà, c'est à 5 minutes de chez moi, c'est au bon air, c'est à la campagne, il y a du matériel qui marche, il y a la lumière du jour, ce qui est vachement bien dans un studio. Donc voilà, il faut... Et puis il y a le côté très familial et en autarcie finalement, puisque les groupes peuvent loger à l'endroit où ils enregistrent, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui peut être assez important dans un enregistrement. Voilà, c'est vrai que c'est aussi l'une des forces de ce studio. Ouais. Alors il y a des groupes qui sont super contents parce qu'ils peuvent s'isoler, il y en a d'autres qui vont pas aimer parce qu'ils préféreront rester à la ville, en ville. Mais du coup, c'est vrai que là, ça permet vraiment de s'isoler, de rentrer dans la création et de s'immerger dans son projet, ce qui, pour plein de groupes, aiment bien ce lieu aussi pour ça. Ouais. Quelle est la première porte en fait qui a été poussée concernant ton activité professionnelle? Est-ce que c'est vraiment celle d'un G son live au départ pour accompagner Mickey et ensuite te reporter sur studio, ou c'est à l'inverse, tu avais déjà commencé à amorcer un travail de développement et d'accompagnement studio pur avec Bilou au studio? Non, moi j'ai attaqué par le live. Après, bizarrement, je me suis mis à faire les masters parce que personne ne faisait les masters du studio, donc je me suis mis dans la porte du studio par les masters. Et puis après, comme je me suis mis à enregistrer les groupes que je suivais en live, parce que c'est souvent dans le rock'n'roll que les groupes enregistrent avec leur sondier pour des raisons de commodité, parce qu'on se connaît. Et du coup je suis rentré par ce biais là et puis après, de fil en aiguille, j'en ai fait de plus en plus. Alors moi, j'aimerais bien que tu nous expliques, qu'on rentre un petit peu dans l'aspect technique des choses, parce que c'est un volet ou un pendant qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que recouvre finalement le métier de sondier, d'ingé son? Là, je parle de studio, parce que même pour toi, on te voit crédité sous différentes formes finalement. Mm-hmm. Preneur de son, réalisateur, arrangeur, producteur. En fait, qu'est-ce que c'est que tout ça? Et comment ça marche? Tu parles des masters, par exemple, voilà, ça c'est encore une autre peut-être facette, le mixage, enfin voilà. Explique-nous un petit peu pour qu'on rentre dans le détail du métier. Alors, en faisant simple, du coup, faut toujours, on commence par la phase de création, donc de pré-production, c'est-à-dire que le groupe il répète, il crée ses morceaux et les arrange. Donc, quand je fais un travail d'arrangement ou de réalisation, je peux directement intervenir là à l'élaboration même des morceaux quand il y en a besoin. Sinon, quand je fais que de la prise de son, donc c'est quand on enregistre, on place les micros, on enregistre, ça c'est du boulot de prise de son. Donc on se retrouve avec un multipiste, c'est-à-dire qu'on a plein de micros sur des pistes séparées, et là c'est à l'état brut. Donc ça c'est l'enregistrement. Donc ça c'est quand je suis crédité en preneur de son, par exemple, c'est juste que j'ai juste fait ce travail là. Ce qui peut avoir une certaine grosse importance même sur le résultat. C'est le plus important à mes yeux, parce que c'est ce qui détermine toutes les orientations futures. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre suffisamment de... Il faut se laisser suffisamment de marge pour le mix, mais il faut quand même déjà mettre des jalons, parce que sinon, on va faire quelque chose de fade. Mais juste quand on dit poser un micro, il faut juste mettre dans l'idée que c'est pas juste on place un micro à peu près n'importe où pour enregistrer. Oui. Il y a aussi une... Il faut le placer comme il faut choisir le bon, il faut bien le régler. Donc ça fait, c'est un métier comme plein, comme l'artisanat, on va dire. Et ensuite, après cette étape de prise de son, il y a l'étape du mixage. Donc là, on prend toutes ces... tous ces instruments qui ont été enregistrés les uns après les autres, tous ces micros, qu'on va mélanger, qu'on va les mixer, on va mettre des effets ou pas. Donc là, on a un champ des possibles incroyable. Donc, voilà. Ça peut être chronophage. C'est là où tout à l'heure tu parlais, 25 mix de La Rose Blanche, par exemple. Par exemple, oui, là, avec Mickey, oui. Et c'est quasiment ça pour chaque titre. Pour Mickey, ouais, ça a été ça. Ouais. Ça a été long, mais parce qu'il fallait le faire. À chaque fois, je fais un mix. Je l'envoie, il écoute, on écoute, on corrige quelque chose, on refait. Comme on a dit tout à l'heure avec Guillaume, finalement, lui pour le cas Mickey 3D, la basse c'est bien, on va changer la basse, on change la basse, du coup il faut remixer. Enfin, du coup on peut vite tomber comme ça avec beaucoup de mix. Donc ça c'est la phase de mixage. Mixage hyper important aussi, où c'est là aussi où on peut juste faire un mix, on va dire le pouce-bouton. Dans notre jargon, donc c'est la personne qui assemble et qui fait que ça sonne bien, mais sans forcément y mettre de patte personnelle. Après, le boulot de réalisation rentre aussi en jeu dans la phase de mixage, c'est-à-dire qu'on oriente plus ou moins la façon de faire les choses. C'est-à-dire si on veut que la batterie elle sonne très roots, très pièce, ou alors au contraire qu'on l'entende très forte devant. Donc là aussi ça dépend de ce qu'on a décidé de faire avec le groupe au départ, de mon investissement. Si eux ils me donnent des orientations et moi je fais en sorte de mixer dans leur sens, ou s'ils n'ont pas forcément d'orientation et moi je propose des choses. Est-ce que toi avec Mickey tu as été force de proposition en ce sens, par exemple? Parce que moi je trouve qu'il y a une grosse période, je sais pas si c'était une période un petit peu peut-être de recherche, d'expérimentation, mais d'invention aussi surtout. Je trouve qu'il y a une période où Mickey tentait beaucoup de choses dans ses morceaux. On l'a entendu avec par exemple les mots là à midi, où il y a plein de façons dans un même morceau d'entendre différemment en tout cas il y a des phases en fait. La voix plus en avant, la basse plus en avant, la batterie. Est-ce que ça c'est des choses que toi tu as apporté et que tu as peut-être justement un peu inventé quelque part, et c'est vraiment ta patte personnelle qui a apporté là-dedans, ou c'est aussi avec le musicien, auteur, que se travaillent ces choses-là? Avec Mickey, ça se travaille beaucoup en collaboration quand même. Il amène beaucoup, beaucoup de choses. Je dirais que c'est pas avec lui où j'ai le plus fait ou apporté de choses. Il apporte quand même beaucoup de choses. Il travaille beaucoup chez lui. C'est un peu quand même, c'est vraiment un acharné du boulot de ce côté-là. Et donc, du coup, j'en ai amené, mais moins que sur certains groupes. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'avec le temps, je ne sais pas si on prend l'image du producteur des années 60 qui arrivait en studio et qui remettait leur destin finalement dans les mains du producteur parce que lui connaissait son métier et c'est lui qui faisait tout. Maintenant, j'ai l'impression que les groupes arrivent en studio avec déjà de très bonnes idées de ce qu'ils veulent et comment ça s'accomplit. Et donc toi, est-ce que ça peut créer, j'imagine, un peu parfois des conflits de c'est quand même mon boulot les gars aussi, laissez-moi un peu vous proposer des choses. Plus ça va et en fait plus je me mets en retrait, plus j'avance et plus je suis humble, parce que maintenant il y a des entre guillemets des minots de 20 balais qui ont une culture musicale avec internet qui est énorme, que nous on n'avait pas, et donc du coup oui, qui savent vraiment ce qu'ils veulent et qui c'est tout à fait légitime, et faudrait surtout pas que je commence à prendre de haut les musiciens, au contraire je pense que j'aurais pu avoir ce genre de travers il y a quelques années, que maintenant j'essaie de faire vachement attention et d'écouter les gens. Après c'est pas forcément ce que j'aurais envie de faire, mais justement mon métier c'est aussi de proposer des choses s'il y a besoin, mais c'est aussi de réaliser ce que les gens veulent et ne savent pas forcément faire. Ça fait aussi partie du boulot. Ouais. Ils ont l'image, mais pas forcément le côté technique. Pour le... Ça, généralement, quand on va dans un studio, c'est qu'on n'arrive pas à le faire. Donc, les gens sont quand même toujours à la recherche d'une façon de faire, une idée, mais c'est pas toujours moi qui l'amène. Ouais. En même temps, ça me pose aussi une question, et pour joindre et peut-être compléter celle de Flavien, c'est comment on met finalement aussi au service d'un projet son savoir-faire. Parce que malgré tout, moi, dans tout ce que j'écoute signé Bruno Prénat au travail d'arrangement, de réalisation, il y a une patte. il y a vraiment un son, et d'ailleurs c'est même toujours la curiosité quand j'apprends qu'un groupe a travaillé avec toi, mm-hmm. que je vais écouter pour savoir ce que ça va donner. Je trouve qu'il y a une patte, il y a une patte Bruno. Ouais. Et du coup je trouve délicat, parce que moi je le connais en même temps ce son, etc. Mm-hmm. Mais je trouve comment tu mets au service ton savoir-faire, qui est du coup très particulier, qui est singulier, mais qu'on n'a peut-être pas toujours envie de desservir pour tout type de projet. Enfin, c'est aussi pas forcément évident, ça, il me semble. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais été bloqué de ce côté-là jusqu'à présent. D'accord. J'ai toujours c'est sûr que j'ai une façon de faire de façon certainement inconsciente, ou j'ai une façon d'assembler les choses qui font que ça, du coup, ça se traduit par un son particulier, mais j'essaye quand même, enfin j'ai jamais été du coup bloqué. Après, le fait est que en ayant un peu plus d'expérience, du coup le prix est un peu plus cher, du coup ça trie un peu, du coup les gens qui viennent généralement ils savent à peu près ce qu'ils ont envie d'entendre, et c'est très rare les gens qui viennent me voir sans avoir écouté ce que j'ai fait avant. Du coup ils vont pas me demander quelque chose qui est carrément à l'opposé de ce que je peux faire, enfin ça serait une erreur. Ils savent pourquoi ils viennent, quoi. Oui, voilà, ouais. Mmh. Ouais. Alors, dans tout ce que tu as travaillé, on va aussi basculer sur notre casquette et facette. On va les citer parce qu'on va pas pouvoir tous les écouter, mais tu as travaillé, donc on parle de studio, hein, mm-hmm. avec, alors pour exemple, bon, Mickey, bah, il faut écouter Mickey si on veut trouver ton mm-hmm. son et ta patte. Il y a eu Yvan Marc, et il y a encore Yvan Marc avec qui mm-hmm. tu travailles en studio. Qui a-t-il encore, Kent? Ça, j'ai fait un projet, oui, avec ouais. Kent. Ouais. Parabellum. Oui, et je crois que c'est même un bon souvenir. Super, ouais. Bah oui, ouais. Qu'y a-t-il encore? Les Barrios. Les Barrios. Là, tu continues aussi un peu en live avec eux. Ouais, bah il y a beaucoup, ouais, des groupes, beaucoup Apple de groupes Jelly. Locaux. Apple Jelly, Super Gonzo, les Blaireaux, Christopher Murray, j'ai noté tout ça. Ouais, moi. C'est ça. Narcisse. Ouais. Red Radix. Et Lord of Ruby. Ouais. Lord Ruby, on a parlé il y a Lord Ruby, ouais. Pas Lord of Ruby, Lord Ruby, ouais. On a parlé il y a pas longtemps, septembre il me semble, ouais. Qui sont de Lyon, de la région. Ouais. Le studio, c'est une activité, on parle aussi un peu là peut-être de réalité économique et de la conjoncture, qui fait que c'est peut-être moins évident, et on le sait dans l'économie du on va dire du disque mm-hmm. ou de la musique, c'est par la scène énormément que ça fonctionne aujourd'hui. Est-ce que le volet studio du coup est un peu en déclin, et pour toi c'est une activité, alors que tu pensais aussi peut-être cibler sur ce mm-hmm. et axer ton travail vraiment sur l'aspect studio qui toi t'intéresse, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, la conjoncture n'est effectivement pas très favorable? C'est sûr que c'est dur là, enfin on sent vraiment depuis quelques années que ça devient compliqué pour les groupes déjà pour jouer, du coup ils ont moins de revenus, du coup ils ont moins de sous pour enregistrer leurs disques. Et c'est vrai que le modèle, on va dire, en parlant business, le modèle économique d'il y a 10 ans, il fonctionne vraiment plus du tout maintenant. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir quand même continuer de travailler avec des prix, des prix adéquats par rapport au marché. C'est sûr que le studio, entre autres, n'a pas augmenté ses tarifs depuis 12 ou 13 ans. Et je crois que beaucoup de studios, c'est ça. Et c'est quand même l'un des rares secteurs d'activité en France où c'est le cas, et il y a même des fois où les prix baissent encore par rapport à il y a 10 ans. Donc c'est vrai que c'est pas facile, ouais. Et qu'il faut, c'est vrai que moi le fait d'avoir un pied aussi dans le live, bon, sachant que c'est pas du tout la même façon de travailler, mais ça garde quand même, ça enrichit le carnet d'adresses. Enfin, ça laisse un pied dans le live, et ce qui permet de rencontrer des gens. Et du coup de faire quand même toujours des projets studio, parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours facile d'être dans son studio, et que les gens arrivent, ça se passe plus comme ça maintenant. Il faut vraiment aller à la rencontre des gens, des artistes, et c'est vrai que le live me permet de faire ça aussi. Un projet de studio, on va en parler aussi, parce qu'il y a un projet en cours, en chantier, sur Saint-Étienne cette fois, mm-hmm. un nouveau studio, un nouveau lieu. On va en parler de sa vocation, de sa raison d'être, sur quelles perspectives et projets possibles. Je pense que juste auparavant, on peut faire une nouvelle petite pause musicale avec une production signée Bruno, justement. Ah bah alors, je sais pas, je voulais d'abord, alors peut-être avant ça, lui poser une petite question avec un petit intermède intro musical. Oui, non, mais vite fait, comme ça, pour voir. C'est le grand Jacques de Mickey sur Mystique et Torture. Juste savoir si ça avait changé quelque chose ou pas dans ton travail, le fait d'avoir bossé avec Mickey, le succès de ce disque et puis des suivants. Est-ce que les clients ont changé? Est-ce que tes moyens ont changé? Est-ce que ça a changé au studio, etc. Ton rapport avec les gens? Non, bah disons que ça m'a permis de beaucoup travailler, du coup de progresser, et c'est vrai que pour les groupes aussi, ça prouve entre guillemets que je suis capable de faire quelque chose qui est écoutable sur les radios. C'est surtout ça, c'est du crédit que ça amène. Mais après, ma façon de bosser, non. C'est juste que le fait de bosser sur des gros projets, ça fait beaucoup travailler. Et quand on travaille beaucoup, on s'améliore. Je pense que c'est tout simplement ça. Et c'est vrai que c'est aussi un artiste qui amène beaucoup de choses. Donc ça fait aussi se pousser et pas être sur la réserve. Il faut se mettre un peu en danger. Oui. C'est vrai que les moyens t'ont permis aussi de tester, d'expérimenter des choses. C'est-à-dire que vous avez eu du coup les moyens pour, justement en studio, même au studio E ou par ailleurs, d'avoir le temps, d'avoir la disponibilité, parce que c'est aussi ça la réalité du studio. C'est on loue un studio pendant 3 jours, ça coûte temps, etc. Et puis c'est cher, et du coup on n'a pas forcément les moyens, le temps est limité. Alors que là, vous avez pu avoir les moyens de vous poser, de vous installer, d'expérimenter des choses toutes bêtes, mais poser des micros ici et là, de tenter des choses, parce que vous avez les moyens et vous avez le temps, c'est aussi un luxe. Et puis aussi le fait de un devoir de résultat, du coup, de travailler vraiment, pas être sur ses acquis, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est ça, à chaque fois que je fais des gros projets, mais c'est encore le cas quand je fais les barrios, quand je fais des gros projets comme ça en termes de temps, où je sais que moi je me fixe la barre assez haut, tout le temps, sur tous les disques, il y en a certains où je sais qu'on me donne les moyens de le faire, donc il faut que je m'arrache pour que ça sonne, quoi. Donc j'essaie de donner le mieux. Bien. Est-ce que tu t'es arraché pour bosser avec les Parabellum ou est-ce que eux-mêmes étaient arrachés déjà? Non, ils n'étaient pas arrachés du tout. Parabellum, oui, il a fallu. C'était un bon challenge aussi pour moi, donc il a fallu que. Pareil, j'essayais de faire de mon mieux. Je crois qu'à chaque fois que j'essaie de faire de mon mieux, au moins j'ai pas de regrets, quoi. Donc là, tu es crédité pour les prises, le mix, le master et la réalisation. T'as fait la totale, quoi. Ouais. Voilà, on écoute ça maintenant. Allez viens gamin, faut qu'on cause. Du haut de ses 15 ans et demi et de son 12e étage, la foule comme autant d'ennemis lui paraît sans âme et sans courage. Il voit sa vie comme un héros perdu dans un monde sans intérêt, et le vent lui court en fait. Quand il est seul, il n'a pas besoin d'amis. Il sait que c'est chacun pour sa gueule. Déjà il ne compte plus que sur lui. Il voit sa vie comme un héros perdu dans un monde sans intérêt, et le vent lui court après. Il voit sa vie comme un héros perdu dans un monde sans intérêt, et le vent lui court l'année, ça une colle, je suis mieux en date. C'est pas marqué, alors c'est pas marqué. Je peux vous aider. Quelle année, quel album, c'était ça date de, je sais pas, de 2008, un truc comme ça. Oui, si j'étais en train de faire ma baraque, donc oui, 2007 2008, ouais, c'est ça. Anecdote, Anecdote, Sven, je me rappelle bien, pendant les mix, m'a dit « Bruno, je voudrais que ma guitare, ça fasse comme un pan, bleu. » Donc voilà, t'es derrière la console et tu dis bon, ok. Mais c'est vrai, je l'ai entendu, moi je me suis dit tiens, ça sonne vraiment comme un pan bleu. Ouais. Il a bien assuré. Et c'était mon premier jeu de couleur aussi avec un groupe. J'aime bien faire ça quand je fais écouter un aplat et puis on essaye de me donne une couleur bleu, violet, gris, et ça m'oriente sur comment il voit le morceau. Ah, ça fait partie de ton petit Brian Eno. C'est un peu Brian Eno. Ouais, on parlait des cartes. C'est un peu ça, ouais. Carte de Brian Eno. Ouais. Jeu de couleurs. Et c'est assez efficace ouais. Ouais, parce que l'idée, c'est effectivement le coloré, il y a un peu de ça. En fait, tu définirais comment, toi, le travail parce que c'est un petit peu ça, quand on pose des choses, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche du volume, de l'espace, de la profondeur, de la forme. Comment tu définirais, toi, un peu les. Bah, c'est vrai que souvent. Travail de... Ouais, souvent, il faut. Malheureusement, on va dire, parler en termes de comparaison de groupe. Parce que, enfin, pour donner des pistes, on est obligé de faire des comparaisons, parce que sinon on s'en sort pas. Et après, suivant si on est parti sur tel état de caractère, on va dire, à ce moment-là, les choses seront très larges, très mono, très aiguës, très graves, très chaud, très froid, suivant ce qu'on recherche, quoi. Donc, faut un peu, ouais. Au début, on parlait de mots avec des groupes, puis il y a des fois où du coup on s'est mal compris. C'est un groupe qui me parle de son américain et que pour moi c'est un son anglais et qu'on se comprend pas à l'envers et ça marchera pas. Mmh. Du coup, j'aime bien parler avec en termes de groupe, de comparaison, comme ça au moins ça donne un peu des. C'est plus facile parce que c'est vrai que pour un artiste c'est très dur de mettre des mots sur une vision de leur musique. Si on prend par exemple trois projets récents ou en cours et si tu avais les mots à poser ou les comparaisons à donner, Yvan Marc, Barrio et Mickey, qu'est-ce qui ressortirait comme mot référence ou comparaison? Mais juste comme ça, un mot un peu clé, quoi. Sur les Barrio, par exemple. Sur les Barrio, en termes de. Mais tu veux une couleur ou tu veux. Ouais, non, une couleur, ou comment t'as travaillé dit, là-dessus ouais. Et sur en quoi pré-prod, vous avez voilà. Dit quoi non, sur Barrio, on s'est dit. Rouge et noir. On s'est dit plus old school, plus de pièces. Plus vrai, plus de d'organes, on va dire. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est voilà pour un travail en cours parce que l'album va sortir à l'automne prochain. Oui. Yvan Marc vient d'être réalisé. Yvan Marc, parce qu'il faut que je me replonge à chaque fois. Ouais. Il faut que je me réimmerge dans le projet. Du coup, Yvan Marc, on a cherché. Yvan Marc, on a cherché le naturel, la nature, la terre. C'est précis, hein. Mais t'as enregistré la. Alors ouais, attends, juste les lieux aussi, c'est important peut-être. Mais... Pour Barrio, t'as bossé. Alors Barrio, on a fait les prises, on les a fait à Black Box. Et au studio E. À Angers. Ouais. Et Côté. Ouais. Yvan Marc, c'était à Omégal chez lui. Alors Omégal, beaucoup chez lui. Ouais. Et quelques prises au studio E. Donc là, toi, tu te déplaces avec du matos, tu te déplaces chez lui et tout se fait là-bas. C'est ça. Oui, parce que c'est un album très, très nature. Hein, très... Bah, c'est vrai que ça fait un peu bateau de dire nature, mais en fait, c'est un peu ça. Enfin, le fait de choisir des instruments simples, acoustiques. D'essayer de trouver de la chaleur dans tout ça et une sorte de liant. De la chaleur, vous l'avez fait quand? Parce que c'est haut là-haut. Oui, c'est un peu haut. Ouais. Ouais. C'était à l'automne? Non, parce qu'il est sorti qu'en décembre. J'ai même plus, même moi, j'ai plus les dates. On l'a fait sur un an. On a fait en deux sessions. D'accord. C'était un peu compliqué. En deux saisons? Deux saisons, du coup. Ouais. D'accord. Et pour le Mickey, par exemple? Mickey, là. C'est sur 10 ans donc. 10 saisons. Mickey, C'est plus au cas par cas avec Mickey, parce que les morceaux sont très différents. Et donc du coup, on a essayé de faire en gros au mieux à chaque morceau dans un style. Et advienne ce que pourra pour que le tout fasse la mayonnaise. Mais ça s'est bien passé. Donc mais... mayonnaise. Oui, on va dire ça. D'accord. Non, ouais, voilà, lui c'était voilà, il fait un morceau avec tel dans tel genre, et on va à fond dans ce genre-là ou dans ce truc-là. Au mieux plutôt. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté cadavre exquis pour ce prochain album, s'il a été étalé sur autant de temps, la cohérence s'est faite, mais. Et c'est vrai qu'en fait, la cohérence, chaque fois, on se complique la tâche, mais la cohérence, à partir du moment où c'est le même chanteur, déjà, la cohérence, elle se fait dans d'emblée, quoi. Parce que du coup, j'ai fait plusieurs disques dans le passé où on enregistrait à droite, à gauche, on a fait des mélanges, des mix à un endroit, des mix à un autre. Évidemment que les couleurs sont pas les mêmes, mais le fait est que ça reste la même patte artistique et du coup la cohérence, on la retrouve toujours au final. Mmh. Et tu risques de rajouter un autre lieu à cette grande liste de lieux déjà existants. On reste dans l'activité studio et les réseaux locaux, stéphanois aussi, parce que tu as travaillé par exemple avec Omnibus. Ouais, Omnibus à Saint-Etienne, c'est arrivé ? Oui, une fois. Ah, qu'une fois ? Une fois, j'ai mixé une bonne session. Ouais. Mmh. Mais avec. C'était... Avec quel. Pour quel. Pour le barrio, justement. C'était avec 1000 kilos. Ah, voilà, c'était 1000 kilos. Avec 1000 kilos. Ouais. Qu'on a passé, session qu'on a passé. Qu'on a passé pour la petite session live. Exact. Oui. Oui, parce que Vox Project et Gab étaient invités en carte blanche. C'était celle de décembre, d'ailleurs, la dernière de l'année. Voilà. D'accord. Donc on a passé la petite proposition live avec 1000 kilos. D'accord. Donc une seule fois, ok. Mais connexion faite avec le réseau local aussi, les acteurs locaux, comme on dit. Mmh. Et un projet, nouveau projet en cours, en chantier. Alors, tu peux nous en dire quelques mots. Là, tu te associes finalement avec une structure qu'on connaît bien ici, qui travaille sur la question aussi de l'émergence, finalement, de la découverte, qui était plus sur de la proposition diffusion, finalement, et qui, un petit peu de résidence aussi, de création. Les Barrios avaient travaillé sur ce lieu. On parle du PAX à Saint-Étienne. Mmh. Donc c'est Carotte aussi prod, c'est toute une famille associée. Et là, il y a un projet véritablement de studio. Alors, dis-nous en quelques mots. Alors, en fait, c'est vraiment dans la continuité du PAX. C'est-à-dire que, Étienne va certainement venir vous en parler mieux que moi. Mais Étienne, donc il y a une nouvelle association qui s'appelle Delta Max, qui va gérer le lieu global. Et en fait, c'est pas vraiment un studio de plus qu'on a voulu créer sur Saint-Étienne. C'est plus une continuité de la salle dans le but d'accompagnement artistique. Justement, tu parlais de résidence. Et ben, le fait d'avoir une régie accolée à la salle de spectacle, ça permet de d'accentuer ce travail d'accompagnement, de travail de résidence, d'atelier, du coup de captation live. C'est vraiment dans ce sens-là que ça a été fait. C'est pas pour créer un autre studio de plus sur Saint-Étienne, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, il y en a déjà pas mal, et que le but c'est pas d'en faire un de plus. C'était du coup c'est vraiment un outil, c'est un outil au sein du PAX. En même temps, comme tu dis, il y a déjà une proposition ou des propositions nombreuses sur Saint-Étienne. L'idée n'est pas d'en faire un de plus, on comprend bien, mais en même temps, on imagine que forcément aussi, et là, on a parlé de la conjoncture aussi tout à l'heure, forcément aussi ça va mettre un petit peu en concurrence finalement des structures et des lieux. Alors est-ce qu'il y a peut-être une orientation et une ligne force pour ce nouvel espace? C'est vrai que du coup je sais qu'Étienne voit beaucoup les gens du fil pour essayer déjà de... Et qui sont déjà sur cette ligne-là, qui ont des lieux, des studios... Et apparemment, apparemment ils sont submergés par les demandes et qu'ils ne peuvent pas tout faire. Donc du coup ça pourrait être très bien être complémentaire, et le but c'est un peu d'être dans plus dans la complémentarité que vraiment dans l'affrontement commercial, concurrence commerciale. C'est pas du tout le but. Moi c'est pareil, en travaillant au studio à 2 minutes de chez moi à la campagne, j'ai pas pour vocation de venir m'enfermer à Saint-Étienne dans une régie alors que j'ai ça à côté de chez moi. C'est vraiment que là c'est quelque chose qui vient en complément pour le travail d'accompagnement, de résidence, et je crois qu'on appelle ça une gestion mixte. Du coup avec en travaillant avec la ville de Saint-Étienne, je crois qu'Étienne est en train vraiment de créer tout un réseau de partenariats pour l'aide à la pratique amateur, etc. dans le but d'accompagnement, les pré-prod, les résidences, etc. Le but aussi étant de mettre aussi une captation vidéo à terme, pour faire de la petite captation vidéo, mais de façon sommaire, mais aussi pour que les groupes puissent avoir aussi des outils vidéo. Afin de démarcher, j'imagine. Afin de démarcher. Oui. Voilà, c'est vraiment un outil de création et qu'on a voulu mettre en place. Oui. Sachant que, au fil, ils ont beaucoup de demandes, ils ne peuvent pas tout faire, que c'est du coup ça pourrait être vraiment un complément. D'accord. En termes d'espace, du coup, ça veut dire que là il y a du chantier, mais parce que les espaces aussi sont réduits là-bas et limités. Mmh. Alors comment vous avez et comment s'envisage un petit peu les choses, parce que c'est avant tout une salle aussi de diffusion. Donc j'imagine qu'il va y avoir toujours ce volet-là, c'est-à-dire de saison finalement un petit peu culturelle, ce qu'ils ont mis quelque peu entre parenthèses d'ailleurs pour se consacrer à ce projet. Mmh. Mais l'idée est d'avoir aussi des dates et d'avoir du concert, du spectacle qui se joue sur le lieu de la scène. Comment vous avez finalement aussi imbriqué les espaces. Ça a été des mois de réflexion. Du coup, sur la salle, ça change pas. Elle reste en l'état. C'est juste quand vous êtes venu au PAX, vous arriviez dans un couloir. Là, ce couloir n'existe plus. On a cassé. Il y avait une grande pièce qui servait d'accueil, de bar, de réception à la fin du concert. C'est cette pièce-là. Donc, on a cassé le couloir. Du coup, ça fait une plus grande pièce. Et c'est dans cette pièce-là qu'on a coupé en un tiers, deux tiers. On a gardé deux tiers pour le public et un tiers où on a fait une régie. D'accord. Et donc, du coup, voilà, avec tout un réseau de câblasse qui va aller dans la salle pour pouvoir faire la captation en même temps que les lives. Alors quand on évoque ce projet et qu'on on disait tu es associé à ce projet-là, c'est que tu vas être finalement aussi toi sur le poste dédié justement au studio, à l'aspect... on l'imagine, si ça se développe, ça va être aussi énormément de taf. Ça veut dire qu'à terme tu es... On va voir. Amené à travailler essentiellement sur ce lieu. Oui, on va. Bah, tout dépend comment ça va se développer. Si pour l'instant c'est vrai qu'on navigue un peu à vue, hein, donc on va voir. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le contexte économique est délicat et que pour un mec comme moi il faut aller trouver le boulot aussi. Donc là c'est un beau projet. Je sais qu'Étienne n'aurait pas pu le faire tout seul. Moi je lui ai amené des compétences techniques et aussi pour tout ce qui est de la faisabilité et puis du bâtiment lui-même, des traitements acoustiques, etc., de tout ce qui est l'étude du câblage, toute la mise en place technique du lieu. Alors déjà là pour l'instant on fait ça, on le met en place, on est en train d'écrire tout ce qui pourra être fait dedans, tout ce qui va se faire, sachant que ça sera une assos, hein, donc ça c'est... On va attaquer doucement et puis si jamais je bosse beaucoup là-bas, je bosse beaucoup. Si je bosse pas beaucoup, tant pis. Tu as apporté aussi des billes, hein, tu es co-porteur véritablement du projet, tu as apporté un capital aussi finalement pour amener investir sur le lieu. Un petit capital financier, mais surtout humain, et j'ai passé beaucoup de temps. Et puis certainement il y aura un peu de matos dans l'avenir, mais ça on va voir comment on s'organise. Très bien. Mais voilà, c'est vraiment un objet, c'est vraiment un lieu pour le développement culturel et pour que ça fasse encore plus de maillage et encore plus de musique, quoi, tout simplement. Un outil au service de jeunes talents et de l'émergence, comme on dit, voilà. Et une ligne dans laquelle s'inscrit déjà complètement c'est ça. Carotte, le PAX, avec lequel on travaille aussi d'ailleurs régulièrement. C'est vrai que Carotte avait pour l'instant n'avait pas la gestion globale de la salle. Carotte était organisé des concerts, des manifestations, des résidences. Et là, en fait, la nouvelle association qui s'appelle Deltamax va, elle, avoir la gérance du lieu avec la licence. Donc, du coup, vraiment, on va pouvoir organiser des choses, aussi avoir des investissements plus conséquents de matériel, etc., quoi. On fait une nouvelle petite pause musicale parce que ça commence aussi à tirer niveau temps, ça va très vite. Alors, on l'avait dit, hein, Bruno, ça passe très, là, très vite. Idéalement deux pauses musicales. J'aimerais bien qu'on parle de ce projet Grand Hôtel que tu nous as apporté quand même. Oui. Si tu peux nous en dire deux mots, qu'on en écoute un extrait. Deux mots, c'est un projet avec Geoffroy Barthélémy, un musicien de Montbrison qui jouait aussi dans Alcatraz, qui a écrit des morceaux pour la maîtrise de la Loire. Donc c'est un projet, je trouvais, pédagogique et vachement intéressant, déjà techniquement, et puis artistiquement, ça a fait quelque chose de vraiment bien, donc c'était, je trouvais ça sympa de le passer. À perte de vue des rues, des boulevards, des carrefours, des balises, des bornes pour appeler au secours. Dans cette immense cité, cette cité sans contour, où les places sont vides, les clochers sont des tours, visage blême sous les néons de la phare, les regards perdus comme des lapins dans les phares. Sortir du dédale, trouver le fil et suivre l'étoile. À perte de vue des maisons qui se ressemblent, des clôtures, des chiens qui aboient et s'étranglent, les halos bleutés illuminent les séjours, les portes blindées fermées à double tour, les visages blêmes sous les néons de la phare, les regards perdus comme des lapins dans les phares. Sortir du dédale, trouver le fil et suivre l'étoile jusqu'à l'oreille de la ville. Sortir du dédale, les carottes sont cuites, plus personne ne nous attend. Chacun pour soi, chacun chez soi, chacun cherche mais ne trouve pas. Sortir du dédale, trouver le fil et suivre l'étoile. Hôtel, un projet qui s'appelle Grand Hôtel, donc sur lequel a travaillé Bruno Prena. C'est la maîtrise du Conseil Général de la Loire. On retrouve des noms connus dans les remerciements. La Fabrique, Broadway, Nicolas Sauvigné. Voilà, que des gens qu'on connaît, quoi. Et oui, oui. Anthony Gattaz, également, qui joue sur l'album. Oui, il y a aussi le réseau, un peu, oui, musiques actuelles, jazz, local, dont on va reparler aussi sur cette antenne, parce que Jazz Rit d'Hiver. Et c'est tout bientôt, fin janvier, nouveau festival proposé par Gaga Jazz, on en reparlera sur cette antenne. On arrive au terme de cette émission, ça passe très vite, on dépasse déjà un poil. On va juste, dernière ligne droite, parler de l'actualité chaude finalement. Là tu es complètement surbooké, surmené, t'as eu ta petite journée blanche, donc c'est pas mal, ça t'a posé, t'es tranquille. Il va falloir te remettre au taf et récupérer le retard maintenant. Mais en gros, donc, si on évoque là l'actualité chaude te concernant, tu es sur de la prod. Oui, donc Barrio Populo a mixé. Voilà, pour cet album à sortir à l'automne. À l'automne. Donc là, tu es sur le mixage là. Oui, là c'est parti pour le mixage. Donc j'ai mon album de Tarqueada aussi de flûte péruvienne à mixer, donc qui a rien à voir. Donc faut que je détache un peu les projets parce que c'est. Mais ça, donc ils sortent faire des oreilles. Ils sortent, ils sortent un album. Ils vont sortir un disque, ouais, du coup. Puis j'ai toute la prépa technique à faire pour la tournée de Mickey. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à préparer en amont pour la tournée, donc ça me demande quand même pas mal de boulot de prépa. Continuer le placo plâtre et le bâtiment au PAX à Saint-Etienne, donc là je mets mon pantalon de chantier. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. c'est déjà énorme. Juste sur les barrios, donc tu seras pas sur. Donc il y a une actualité en effet discographique sur cette année 2016, mais il faudra attendre la fin d'année, en tout cas l'automne. Mais tu le disais, tu as aussi assuré ce rôle de transmission et c'est chose faite. Donc désormais, tu ne séviras pas sur les dates et tournées des barrios, en tout cas dans l'immédiat. Sinon, vraiment, si je suis sur l'album. Voilà, sur l'album, enfin, ou l'après-album, les tournées qui s'en suivra. Mais on sera là sur 2017. En tout cas, pour ce début d'année, il y a des dates prévues de Barrio, on l'a dit. Donc, juste l'occasion d'évoquer l'actualité quand même, parce qu'ils sont sur un projet un peu spécial, un projet de sorte de tour de chant, de poème. Donc, il y a du Léo Ferré, il y a du Barbara, il y a du Moustaki, il y a du Pierre Perret, il y a du Brassens, du Rimbaud, du Prévert, d'Antonin Artaud. Enfin, il y a plein de choses qui sont mises en musique finalement. C'est une sorte de spectacle un peu conceptuel de poèmes en musique. Mais c'est vrai qu'il l'avait déjà un petit peu fait au Centre Barrio, d'avoir fait des reprises de chansons françaises. Il y avait toujours un morceau comme ça, un peu de reprise, et je crois que ça leur a bien plu, donc ils ont voulu carrément faire un spectacle, mais des choses du coup de façon plus posée, pour faire plus du théâtre ou ce genre de choses, je crois. C'est une petite petite parenthèse quand même sur ce projet, avec des concerts dans la région. Ce sera début février, les 12 et 13 février, vendredi 12 février, samedi 13 février à 20h30. Le 12 est d'ores et déjà complet, je ne sais même pas ce qu'il en est encore pour le 13, mais c'est bien possible que ce le soit également. Ce sera sur l'espace Albert Camus du Chambon-Feugerolles, et je crois que ce sera la seule ville à proposer deux dates donc de cette nouvelle création, même s'il y a eu quelques tentatives, tu le disais, il y a eu quelques villes sur lesquelles tu étais peut-être déjà, non, dans la Drôme, Saint-Jean-Royan, Avion, T13, Locquenot, t'étais pas, non. Enfin bref, voilà, ça s'appelle Cri des cris, Barrio Populo chante la poésie française. Voilà. Ça, c'est pour l'actualité Barrio. Pour Mickey, la tournée va démarrer le 10 mars, non ? C'est ça ? C'est ça, oui. Ouais, avec donc tu repars en tournée. Bah oui, c'est reparti. Coup. T'es motivé ? Oui. Parce que c'est quelque chose aussi qui n'est pas forcément évident, reprendre la route. Oui. Tu as même fait du taf alimentaire. Tu es parti en tournée avec, pas les copains, des fois. Des fois, t'as fait. T'es parti avec la grande Sophie. Oui. Sympathique. Avec Luc également, t'avais bossé. Oui. Bah, c'est différent. Quelques anecdotes aussi. Oui. Non, c'est vrai que c'est pas, hop, c'est pas on pareil. Chope, on te pose sur le périph', tu te démerdes, c'est moins sympathique. C'est ça, c'est pas pareil. Comme condition. Ouais. Là, tu pars avec les copains quand voilà. même. Voilà. C'est départ des côtés l'homme, retour et côté l'homme. Donc, déjà, c'est déjà pas mal. Puis, on a un peu tous des vies de famille chargées. Donc. Puis personne n'aime trop partir trop longtemps de la campagne. Donc et puis un bon tour bus. Je sais pas encore. J'espère, mais peut-être pas dans l'immédiat, mais parce qu'il faut attaquer doucement. Mais on va voir comment ça se passe. Donc tournée à partir du 10 mars. Trois dates, on l'a dit à Montbrison, mais c'est d'ores et déjà complet au Théâtre des Pénitents, 10, 11, 12 mars. Mais il y aura des concerts dans la région. Est-ce que on l'a dit le 10 juin, place d'Hôtel de Ville, pour le lancement de l'Euro 2016, à Saint-Thé, ville concernée, bien sûr. Et est-ce qu'une autre date, par exemple, locale est prévue ? Est-ce que tu as des infos là-dessus, toi ? Non, pas spécialement. Je pensais, est-ce que le Phil, par exemple, programme, Mickey, est-ce que... Non, je sais que... j'imagine que c'est en pour parler, mais peut-être pour après. Mais non, je crois pas, que dans là, les... pas pour dans le... Les pour le printemps, non. En tout cas, vous pouvez retrouver ça en ligne ici et là. Vous avez toutes les infos officielles, bien sûr, sur Mickey 3D. Écoute, bonne route à toi. Et puis, merci. En tout cas, on va terminer avec la fameuse exclusivité en question. C'est drôle parce qu'on a passé le grand Jacques tiré de Mystique et Torture, qui a maintenant 15 balais à peu près, hein, je pense. Et là, on va écouter donc une nouvelle chanson de Mickey 3D que Bruno a eu la gentillesse de nous apporter, qui s'appelle François sous la pluie, qui se fait comme ça un peu tous les présidents. C'est François qui en a pris pour son grade donc dans cette chanson. Merci pour cette exclusivité. De rien, merci à Mickey. Le pouvoir n'est pas une mince affaire, et la route est si longue, à la boussole en marche arrière tu te perds, et puis l'aventure n'a pas de ministère. Une valse à plein temps se danserait-elle de travers au soleil, oui, mais là, je te revois, François, sous la pluie, sous le ciel gris de Paris. Là, tu restais là, tu disais merci, même si pour toi, c'était mal parti. La critique n'a pas de revolver, mais ses yeux te fusillent au moindre bruit de courant d'air. C'est cru. elle se prend pour le Front Populaire. Cette foule infidèle qui veut te fourguer sa colère. C'est normal, oui, mais moi, je te revois, François sous la pluie. Est-ce que tu pleures sur Paris? Seul, avec effroi et sans parapluie, les yeux blanchis par mon lit dans l'esplanade. Sois sous la pluie, sous le ciel gris de Paris. Là, tu restais là, tu disais merci, même si pour toi c'était mal passé.